auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 115e émission de Osez Jazz à tous les étages, comme tous les lundis soirs, 21h, 22h, et toujours un plaisir de vous retrouver en cette saison 5, épisode 8, avec toujours notre générique, le fameux Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers, pour nous accompagner à chaque fois depuis 5 ans, dans ces tribulations autour du jazz, les nouveautés du jazz, mais aussi quelques petites anciennetés, comme ça, il en faut bien, pour redécouvrir des petites choses un petit peu oubliées, parfois, et c'est toujours bien de pouvoir remettre un petit coup de projecteur sur certains titres qu'on entend moins dans l'histoire du jazz. On va commencer par cette rubrique générique qui nous tient toujours à cœur, dans ce début d'émission, avec un générique qui date de 1971 lui-même, mais qui était utilisé de 73 à 74 par François Diveau sur son émission Radio 2 sur Europe 1. Une émission dans laquelle il faisait découvrir un petit peu les nouveautés et tout ce qui paraissait un petit peu à l'époque dans la musique. Et comme ce garçon avait plutôt bon goût, il avait choisi comme générique un morceau de Billy Preston qui s'appelait Outer Space. Ce morceau sorti en 1971. De Billy Preston était en fait à l'origine seulement une face B d'un 45 tours, un 45 tours dont la face A était donc une chanson chantée qui s'appelait I Wrote a Simple Song. De son côté, Billy Preston ne trouvait que le morceau instrumental qu'il y avait sur la face B était plus intéressant, mais sa maison de disques avait dit non, on met une chanson en face A, c'est plus intéressant. Donc cette face A a réussi à grimper tant bien que mal jusqu'à la place numéro 77 du Billboard à l'époque. Et puis un jour, il y a un disc-jockey un petit peu plus entreprenant que les autres qui a retourné le 45 tours pour écouter ce qu'il y avait sur la face B. Et là, il a découvert cet instrumental, Outer Space. Ça a commencé à être joué, de plus en plus joué sur cette radio, puis sur les autres radios, etc. Et finalement, la maison de disques n'a plus qu'à surfer sur ce succès de ce morceau et puis continuer d'éditer ce 45 tours avec sa face B plutôt choisie comme face A, et donc le morceau a fini par atteindre la place numéro 1 des charts Rhythm and Blues. Pas les charts généraux, mais les charts Rhythm and Blues, et quand même la place numéro 2 sur les charts classiques. Donc un joli succès inattendu, mais plutôt sympathique, et qui doit beaucoup au fait que des disc jockeys avaient encore à l'époque un peu l'attitude à choisir ce qu'ils voulaient comme musique. Billy Preston, alors je vous le présente rapidement, c'était un jeune prodige qui a commencé sa carrière très tôt, puisque à l'âge de 10 ans, il était déjà il jouait déjà de l'orgue derrière Mahalia Jackson, qui était la grande prêtresse du gospel à l'époque. Il a ensuite intégré l'orchestre qui jouait lors de l'émission qu'avait Nat King Cole à la télévision. Donc il avait à peine 12-13 ans quand ça lui arrivait. Et puis en 1962, il croise lorsqu'il joue de l'orgue avec Ray Charles, il croise en Allemagne un petit groupe qui débute, qui s'appelle les Beatles. Et John Lennon est tellement impressionné par son jeu d'orgue qu'il propose à Paul McCartney que Billy Preston rejoigne le groupe. Mais bon, finalement, ça se fait pas. J'imagine que Billy Preston est plus intéressé pour l'instant à travailler avec Ray Charles. C'est certainement plus lucratif qu'avec ce petit groupe des Beatles. Mais il va se trouver que quand même, quelques années plus tard, les Beatles s'en souviendront lorsqu'ils auront besoin d'étoffer un petit peu leur son avec un clavier. Et c'est donc lors des sessions du double album blanc puis de Let It Be que Billy Preston rejoint les Beatles pour jouer avec eux. Alors comme membre additionnel, on va dire, c'est pas officiellement, mais Il va quand même notamment jouer cette merveilleuse partie de clavier sur le morceau Get Back, et il joue aussi de l'orgue sur Let It Be. C'est lui qu'on voit sur lors du fameux concert sur le toit des studios d'Abbey Road en 1969, qui tient les claviers avec les quatre autres Beatles. Donc une petite carrière déjà sympathique. Et puis après la séparation des Beatles, et bien il continuera d'accompagner souvent Ringo Starr et George Harrison, notamment pendant le concert pour le Bangladesh en 72 de Harrison, et puis aussi Eric Clapton et aussi les Rolling Stones avec lesquels il jouera des claviers sur certaines de leurs tournées des années 70. Donc voilà, une belle carrière que celle de ce Billy Preston, et un très très joli morceau, donc que ce Outer Space, choisi par François Divot à l'époque pour son émission Radio 2 sur Europe 1, et qu'on écoute tout de suite. Thank you. C'était Billy Preston, Outer Space, un morceau enregistré en 1971 et donc qui servait de générique à l'émission Radio 2 de François Divoux sur Europe 1 en 73 et 74. Un morceau qui met tout de suite la patate, bien funky, bien enlevé, comme on les aime, et qui va nous amener à explorer maintenant quelques petites nouveautés, justement, avec des petits côtés un petit peu funky, comme ça, à la mode d'aujourd'hui, hein, pas avec ce son de l'époque, mais à la mode d'aujourd'hui, en commençant notamment avec Alphamist, le pianiste et MC londonien est de retour, et il sort un album Roulette, dont on avait déjà écouté un extrait d'ailleurs, ça devait être au mois d'avril ou au mois de mai, parce que l'album était annoncé comme sortant avant l'été, puis finalement il a été repoussé, il ne sort que ces jours-ci. Donc, comme vous vous souvenez peut-être pas de ce qu'on avait écouté à l'époque, eh ben, je vous ai remis un deuxième morceau extrait de cet album, donc, qui s'appelle Roulette, et dans lequel le musicien continue d'explorer les ambiances entre pop, jazz, hip-hop, les rythmiques qui viennent de l'électro aussi, et avec plein de musiciens qui viennent jouer avec lui, mais aussi quelques invités comme la chanteuse Kaya Thomas-Dyke ou le rappeur new-yorkais Homeboy Sandman. Tous, et puis aussi la chanteuse soul Taouya, enfin bon bref, tout un tas de gens qui viennent. Là je vous ai choisi un morceau plutôt instrumental, qui s'appelle, c'est celui qui donne son titre à l'album, qui s'appelle Roulette, et vous allez pouvoir découvrir voilà, ces ambiances entre jazz, électro, soul, funk, hip-hop, comme seule la scène londonienne sait nous en donner aujourd'hui avec autant de richesse. Roulette Alphamist. Thank you. C'était Alphamist, donc le projet de ce musicien et pianiste londonien. On avait déjà fait l'album précédent, Variable, en coup de cœur, il y a 2 ans à peu près. Et voilà, donc ça c'est le nouvel album, Roulette, et vraiment un deuxième titre qu'on écoute, puisque je vous le disais tout à l'heure, on avait déjà écouté un titre au printemps, et c'est vraiment toujours très intéressant d'écouter cette évolution du jazz vers des nouvelles musiques. Une évolution du jazz vers des nouvelles musiques que pratique aussi un certain Makaia McCraven, qui lui est batteur de son état. On a déjà fait lui aussi des coups de cœur sur ses albums précédents. Ici, c'est un album qui sort, qui s'appelle Off the Record. Alors c'est un faux nouvel album, puisque il a sorti au fil des mois plusieurs petits EP en version dématérialisée sur les plateformes de streaming. 4 EP qui s'appelaient Technologic pour l'un, The People's Mixtape pour l'autre, Hidden Out pour le troisième et Pop-Up Shop pour le quatrième. Donc ces 4 EP sont réunis sur un double album qui sort ces jours-ci, c'est XL Recordings. Donc on y retrouve la patte habituelle de Makaia McCraven, c'est-à-dire des rythmiques bien sûr qu'il pose avec sa batterie, des rythmiques très influencées par le jazz, par le hip-hop notamment, et sur lesquels sont construites par strates des parties de musiciens invités qui viennent y apporter leur petite touche. C'est un album plutôt cool. Les ambiances sont plutôt downbeat, comme on dit dans ce milieu-là, c'est-à-dire un tempo plutôt calme, une musique assez organique. Voilà, on va écouter le morceau qui s'appelle Imafan, extrait de ce Off the Record de Makaia McCraven, et vous allez voir, on reste dans les mêmes tonalités un petit peu que le Alphamist tout à l'heure. We'll be right back. Micaiah McCraven, extrait de l'album Off the Record, donc la réunion de 4 petits EP sortis au fil des mois et qui sort aujourd'hui en version vinyle et CD. Et le morceau qu'on écoutait s'appelait Imafan. Alors on va changer un petit peu de style avec les musiciens suivants. Et on va revenir en France avec un saxophoniste qui sort un très beau nouvel album. Il s'appelle Olivier Temim. On avait déjà fait son album précédent, Inner Songs, en coup de cœur en 2023. Et là, il revient avec un album qui s'appelle Marcenet. C'est un saxophoniste qui est un petit peu à la marge de la scène française, du jazz. Quelqu'un qui joue beaucoup dans les festivals, qui est très influencé par des saxophonistes pas forcément très classiques dans le jazz, des gens comme Pharoah Sanders, Roland Kirk, Wynton Marsalis, Steve Grossman, Johnny Griffin, à la fois un mélange de classicisme et d'avant-gardisme dans son jeu, qui a fait qu'il a toujours été un petit peu à l'écart du milieu du jazz. Il aime bien rencontrer d'autres musiciens, d'autres gens. Là, il sort un album, donc ce Marsenet, qui est vraiment magnifique. C'est le nom du village dans lequel il habite, d'ailleurs. Et il y est accompagné de Emmanuel Bex à l'orgue. Emmanuel Bex, qu'on a écouté il n'y a pas longtemps avec son dernier album en hommage à Eddie Lewis. Et Simon Goubert, le batteur, qui a notamment travaillé avec Magma, mais qui la joue un petit peu plus cool, un petit peu plus jazz sur cet album. Et donc cet album est vraiment, vraiment très très riche de style et de son. On va commencer donc cette écoute avec Aldonza, un morceau donc extrait de cet album. Olivier Temim, goûtez-moi ça, c'est du très très bon. Thank you. C'était donc Olivier Thémime avec son nouvel album Marcenais, du nom de ce petit village de Bourgogne où il habite, en compagnie d'Emmanuel Bex et Simon Goubert. Le morceau s'appelait Aldonza et c'est vraiment très très beau, très réussi cet album. Je vous le conseille, j'aimerais bien qu'il revienne à Jazz en Touraine l'année prochaine, histoire qu'on redécouvre un petit peu ce saxophoniste qui est toujours un petit peu à la marge, un petit peu à l'écart de la scène française, mais qui est toujours passionnant. Alors, d'autres garçons français qui œuvrent et qui sortent un album. Alors, il y en a un que vous connaissez très bien parce qu'il n'arrête pas de multiplier les projets et à chaque fois, je le fais en coup de cœur, c'est Arnaud Dolmen, le batteur antillais. Dans cet album, il est accompagné de Grégory Privat, le pianiste antillais lui aussi, et Laurent Coulondre, le clavier qui joue avec plein de monde lui aussi, un petit peu plus un jazz un petit peu plus classique. Leur formation et leur album s'appelle The Get Down. Je dis formation parce que c'est une formation à géométrie variable. On y retrouve de temps en temps aussi le pianiste cubain Harold López Nussa, qui vient de sortir un très bel album d'ailleurs, on y reviendra dans quelques temps. Voilà, c'est une formation dans laquelle se mélangent donc des influences caraïbes, forcément avec Arnaud Dolmen et Grégory Privat, ça ne peut être que ça. Influence caraïbe de ces deux musiciens, et puis Laurent Coulondre qui apporte la touche un petit peu jazz et soul avec son orgue qui vient faire la basse et la rythmique derrière, et c'est vraiment une belle réussite que cet album qui sort tout juste là. Regardez bien parce que il tourne un petit peu ces prochaines semaines, notamment sur Paris. Mais par contre, c'est pas toujours avec Laurent Coulondre, c'est parfois avec Harold López Nussa. C'est vraiment un groupe à géométrie variable. On va écouter le morceau Uno Mas, donc extrait de cet album de Get Down, Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen et Grégory Privat. Thank you. C'était Uno Mas, extrait de cet album Get Down de Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen et Grégory Periva. Vous avez pu écouter donc cette influence musique caraïbe, musique cubaine dans ce jazz riche de ces trois musiciens absolument exceptionnels qui ont enregistré donc cet album qui sort ces jours-ci. Un autre musicien français dont on a fait aussi des coups de cœur, c'est Daniel Zimmermann, tromboniste de son état. On avait fait un petit coup de cœur sur son album précédent qui était consacré à des reprises de morceaux de Serge Gainsbourg. Et là, il revient avec un album qui s'appelle Snapshots. Il y est accompagné de Pierre Durand à la guitare, Élise Blanchard à la basse, Julien Charlet à la batterie. Et puis il y a des invités sur certains morceaux, mais pas sur celui que je vous ai choisi. Il y a San Severino qui vient chanter sur un morceau, et puis Thomas de Pourquerie qui vient jouer du sax sur un autre morceau. Là, le morceau que je vous ai choisi, ça s'appelle « Le mieux et le bien ». C'est donc extrait de cet album « Snapshots ». Et dans ce morceau-là, il y a vraiment ce son, cette sonorité de trombone qui est assez étonnante de sa part, très fluide. C'est vrai que le trombone, c'est pas un instrument toujours très facile à faire swinguer, mais lui, il y arrive plus que d'autres. Daniel Zimmermann, « Le mieux et le bien ». C'était Daniel Zimmerman, extrait de cet album Snapshots qui vient juste de débarquer dans les bacs. Le morceau que je vous avais choisi, c'était Le Mieux et le Bien. Et vraiment une belle réussite que ce morceau. Alors, puisqu'on parle des bacs, eh ben, on va passer à la rubrique à bac à disque avec d'autres albums qui sortent ces jours-ci, avec notamment un nouvel album de Sofia Domancic qui s'appelle Wishes, un nouvel album de Sabine McCalla qui s'appelle Don't Call Me Baby, un nouvel album de Mavis Staples aussi, Sad and Beautiful World, la chanteuse du groupe Les Staple Singers est toujours là, toujours vivante, toujours capable de nous sortir des albums passionnants, et on y reviendra très certainement d'ici quelques temps, parce que c'est vraiment une personnalité importante et intéressante dans le milieu qui oscille entre jazz, soul, gospel, blues, folk aussi. On aura certainement l'occasion de faire un joli portrait d'elle d'ici quelques temps. Nouvel album de China Moses, bien sûr, qui était avec nous à Jazz en Touraine cette année et qui nous a mis une belle claque. Et donc l'album, ça y est, sort enfin. Il était annoncé, puis reporté, tout. Le voilà qui déboule. Nouvel album de Vincent Courtois, Robin Finker et Daniel Herman aussi qui arrive. Et puis toujours plein de rééditions. Hank Mobley, Horace Silver, Jerry Mulligan, Getz et Mulligan ensemble, Youssef Latif. Plein de sorties aussi de toutes ces rééditions en vinyle ou en CD. Voilà l'occasion de pouvoir se faire plaisir à l'approche des fêtes. Hein, c'est qu'il faut y penser. Bientôt, c'est Noël. Il faut savoir quoi offrir et quoi s'offrir à soi-même aussi. Parce qu'il ne faut pas s'oublier dans ces moments-là. Parmi ces nouveautés, il y a aussi un nouvel album de Aaron Parks. Aaron Parks, c'est ce pianiste américain qu'on suit déjà depuis quelques années parce que il a vraiment un jeu de piano tout à fait classique, mais vraiment très mélodique, très beau, joli son, et puis vraiment une belle vigueur dans les morceaux rythmiques, et puis un bel impressionnisme un petit peu dans les morceaux plus cool. C'est vraiment très très bien. Alors il travaille beaucoup en trio jusque-là. Là, c'est un nouvel album qui s'appelle By All Means, par tous les moyens, qui sort, et là, cette fois-ci, il s'est entouré d'un quatuor. Alors, il y a son trio habituel, le contrebassiste Ben Street et le batteur Billy Hart, excusez du peu, mais il y a un saxophoniste qui vient se joindre à ce trio. C'est le saxophoniste ténor Ben Solomon qui ouvre un petit peu la palette sonore de Aaron Parks. Et voilà, c'est un album tout à fait classique. D'ailleurs, la pochette ressemble beaucoup à des pochettes de Blue Note des années 60, quand il y avait beaucoup de graphies sur les pochettes avec des polices d'imprimerie qui étaient mises en avant avec des couleurs différentes, avec des gros contrastes. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Bah, sur cet album By All Means, on retrouve cet esprit des pochettes Blue Note d'époque. Et donc, cet album By All Means, par tous les moyens, je vous en ai extrait un très beau morceau qui s'appelle Park Slope, donc extrait de ce By All Means de Aaron Parks qu'on écoute tout de suite. Thank you. C'était donc Aaron Parks avec l'album By All Means et ce morceau Parks Slope. Aaron Parks en compagnie de Billy Hart à la batterie, Ben Street à la basse et Ben Solomon au sax. Vraiment un jazz tout à fait, voilà, tout à fait new-yorkais, tout à fait américain, tout à fait classique, mais vraiment très très bien joué, très bien exécuté. Un vrai vrai bonheur. L'agenda concert, toujours beaucoup de choses à vous annoncer, notamment... comme toujours, Chris Davis donc, qui va débouler, mais on en reparle tout à l'heure, au Petit Faucheux le 13 novembre. Et puis le FJL Big Band qui jouera au Bateau Ivre le 19 novembre. Les Lehman Brothers qui viendront présenter leur nouvel album le 29 novembre, toujours au Bateau Ivre. Et puis ce festival dont je vous parlais, qui a lieu à Nevers, qui s'appelle le Jazz Nevers, dans lequel du 8 au 15 novembre il y a énormément de monde, vraiment une belle édition que celle de cette année, avec Flash Pig, Yusuna, Bojan Z, Naïsam Jalal, Clément Janinet, Vincent Courtois et Colin Vallon, l'Orchestre National de Jazz, Langon Noir, Sylvain Cassap, Laurent Mort, Régis Subi, Maher Bourrois, Créole Manla, Legacy, le tribute à Steve Lacy de Eric Lehrer, Gauthier Garrigue, le Chris Davis Trio, donc qui jouera là-bas le 14 novembre, le lendemain du 13 novembre au Petit Faucheux, Camilla Djoubran et Sarah Murcia, Chien Lune, Emmanuel Bex dans son hommage à Eddie Lewis, qu'on a fait un coup de cœur il n'y a pas longtemps, et le grand Monty Alexander pour clore le festival. Bref, vraiment, Nevers, c'est pas si loin que ça, petit coup de bagnole et vous y êtes en une heure et demie, quoi, à peu près. 2 heures peut-être, allez, soyons prudents, 2 heures. Voilà, et puis un petit peu plus loin derrière, il y aura Arnaud Fradin au Lobby Sablois le 12 décembre. Donc voilà, préparez-vous aussi, parce que c'est dans pas si longtemps que ça. Voilà, juste une petite note aussi pour vous dire que malheureusement, le concert de Popa Choubi, qui était prévu pour le 27 novembre à l'Espace Malraux, est annulé, ainsi que l'ensemble de sa tournée. Il semblerait que Popa Choubi n'aille pas très très bien, donc on lui souhaite de bien se rétablir et de nous revenir encore un peu plus en forme très très bientôt. Voilà, je vous parlais donc de ce concert de Chris Davis qui aura lieu le 13 novembre au Petit Faucheux en compagnie de Robert Hurst et Jonathan Blake, et le lendemain à Jazz à Nevers. Donc Chris Davis, et ben on va en écouter un petit bout. Donc superbe pianiste américaine qui a travaillé avec plein de gens, beaucoup et très souvent avec la scène new-yorkaise, hein, des gens comme John Zorn, Craig Taborn, Julian Lage, Tishan Soray et Smaranda Spalding, mais aussi avec des gens comme Dave Holland, Terry Lynn Carrington, Jerry Allen, etc. Enfin bon, une pianiste qu'on connaît assez peu en France, mais qui a une belle carrière derrière elle. Elle est accompagnée de Robert Hurst, qui est un bassiste aussi, qui a joué avec beaucoup de gens, de Baron von Marsalis à Tony Williams, en passant par Mulcair Miller. Et aussi, il a intégré souvent le groupe de Robert Glasper. Et puis, à la batterie, Jonathan Blake, quand même, qui est un des... Ces trois albums sortis ces dernières années ont fait l'objet de 3 coups de cœur à chaque fois sur cette antenne. Donc c'est dire si c'est un de mes batteurs préférés, qui a travaillé avec Kenny Barron, avec David Sanchez, avec Don Byron, Randy Brecker, enfin, Ravi Coltrane, enfin, bref, plein de gens. Il est signé chez Blue Note maintenant, où il sort tous ses albums. On avait fait le dernier en coup de cœur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ils seront le 13 novembre au Petit Faucheux, 14 novembre à Jazz à Nevers. Et on va écouter un morceau, alors un petit bout d'un morceau, hein, parce que c'est en général assez long leur morceau, qui s'appelle Not Weed et qui a été enregistré dans un petit club de Berlin qui s'appelle Victor's Place cette année. Donc c'est vraiment tout récent, et donc ça va vous donner un petit peu une idée de ce qu'ils vont jouer au Petit Faucheux le 13 novembre. Donc Chris Davis Trio, Not Weed, live à Berlin. C'était Knotweed, un morceau extrait de leur live à Berlin qu'on trouve sur YouTube. Alors il y a 20-25 minutes à peu près de ce live, si vous avez envie de continuer l'écoute, c'est sur YouTube. Voilà, Chris Davis Trio avec Robert Hurst à la batterie et Jonathan Blake à la contrebasse et Jonathan Blake à la batterie, Chris Davis s'occupant donc bien sûr du piano. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je voulais remercier Vincent qui a assuré la technique avec brio, comme d'habitude. Et puis, on va, si vous avez des choses à nous dire, eh bien, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur Facebook, Osez Jazz à tous les étages, ou sur Instagram, sur l'adresse Osez Jazz tout court. N'hésitez pas de nous faire des retours sur ce que vous écoutez, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas, ce que vous suggéreriez. Pourquoi pas, on est ouvert à toutes les possibilités. On va se quitter, comme d'habitude, avec une réédition. Réédition d'un album qui n'a pas été édité depuis une éternité, on va dire. C'est l'album de Charlie Rose qui s'appelle Cinnamon Flower, un album sorti en 1977. Charlie Rose, c'est un saxophoniste qui a une carrière assez exceptionnelle. Qui a commencé dans les années fin des années 40 avec des comme saxophoniste dans les grands orchestres de Billy Eckstine, Dizzy Gillespie, encore lui, oui, Dizzy Gillespie. On se rend compte quand même de l'importance du groupe de Dizzy Gillespie parce que pratiquement dans chaque émission, je vous parle d'un musicien qui a joué avec lui. C'est dire s'il a été vraiment un pivot de la découverte de jeunes talents au fil des décennies. Duke Ellington aussi, Count Basie. Il a joué aussi après sur des enregistrements de Clifford Brown, de Oscar Pettiford, et puis ensuite il a rejoint, et c'est ce qui l'a rendu célèbre, le groupe de Thelonious Monk, avec lequel il a enregistré de 1958, je crois, et jusqu'à 1970 à peu près, et notamment le fameux album Straight No Chaser, qui est un très très grand classique, et dans lequel le quatuor de l'époque, donc avec Charlie Rose au saxophone, est un des meilleurs quatuors qui est connu, Thelonious Monk. Donc là, cet album en 1977, c'est un album un petit peu particulier dans la discographie de Charlie Rose, qui faisait plutôt un jazz assez classique habituellement. Là, c'est un album où il se confronte un petit peu aux musiques brésiliennes et sud-américaines en général, et dans lequel on retrouve alors des musiciens jazz classiques comme Ron Carter à la basse ou Bernard Purdy à la batterie, mais aussi des musiciens principalement brésiliens comme Dom Salvador au piano, Claudio Roditi à la trompette, Clifford Adams au trombone, Portinho aux percussions, Dom Romão, qui est assez célèbre aussi aux États-Unis, aux percussions et à la batterie, et Amaury Tristão à la guitare. Et tout ce beau monde donc développe un jazz très brésilien, mais avec des petites touches aussi, un petit peu soul, funk. Vraiment une belle réussite que cet album, qui est resté un petit peu en dessous du radar après sa sortie. Il a eu un petit succès pendant 2-3 ans, et puis après, il a été un petit peu oublié. Donc c'est l'occasion de revenir et de le remettre un petit peu en avant, mettre un petit coup de projecteur sur ce disque Cinnamon Flower, donc de Charlie Rose en 1977. Et c'est avec ce titre Waiting on the Corner, extrait de cet album, qu'on va se quitter en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Osez Jazz à tous les étages. À très bientôt, Charlie Rose.